Chapitre 19e. Un brigadier qui la connaît. Voici que des pas lourds retentissent, des gens arrivent au pas de gymnastique. Paulin Broquet les voit. « Par ici, par ici » crie-t-il. Ce sont des agents que les coups de revolver ont attirés. Mais les braves agents ne savaient pas où diriger leurs pas sur le vaste quai, dans ce dédale de pyramides, de montagnes de produits de transport. Ils flottaient, couraient, pleins de bonne volonté, obéissant à leurs devoirs, mais couraient au hasard. À l'appel de Paulin Broquet, ils se dirigèrent de son côté. Zigomar également les avait aperçus, et Zigomar cria à son tour « À moi, mes amis, à moi !» Les agents répondirent « Voilà, voilà !» Ils furent bientôt sur les deux combattants. « Aidez-moi le ficelé !» cria Paulin Broquet. « À moi !» supplia Zigomar. « Ne le laissez pas échapper !» Alors il se passa dans ce moment tragique une scène du plus violent comique, scène d'une logique absolue dans sa folie même, et qui semblait ne pouvoir être autrement qu'ainsi, extrêmement absurde. Scène d'ailleurs rapide, prompte, bousculée comme la dernière scène d'un deuxième acte de vaudeville, farce où les acteurs, emportés par l'action outrée, sont comme grisés dans un mouvement de vertigineuse incohérence. Une fois de plus, la farce du commissaire devait être réalisée. Avouons cependant qu'en cette affaire, il était bien difficile à la perspicacité des braves agents de se manifester à coup sûr. Ils s'étaient d'abord penchés sur les combattants qui ne formaient plus qu'un corps, qu'un bloc humain. Selon leur habitude, suivant la tactique réglementaire, ils commencèrent par essayer de séparer les deux hommes, voulant chacun se faire entendre. « On s'expliquera au commissariat, » dit le brigadier, car il y avait un brigadier. Les agents avaient rude poigne. Ce ne fut pas toutefois sans grand-peine qu'ils parvinrent enfin à opérer la séparation des deux combattants. D'autant plus que Paulin Broquet ne voulait pas lâcher son compte de la guérinière. Il s'accrochait à lui comme un dogue à un sanglier, se cramponnait, et chaque fois n'était écarté de son adversaire qu'en emportant un morceau de son vêtement. « Il est enragé, celui-là !» dit le brigadier. Et se plaçant devant lui, il cherchait à le maintenir, à protéger l'autre, le comte de la guérinière, contre ses attaques. Se faisait même seconder dans cette défense par son subordonné. « Allons, plus de rouspétance !» disaient les agents, luttant contre ce forcené. Et Paulin Broquet trouva en face de lui deux nouveaux adversaires, deux agents, deux représentants de la loi. Car le comte de la guérinière, délivré, cherchait non à reprendre la lutte, mais à gagner du champ. Il se mettait sous la protection de la police. « Cet homme m'a attaqué, m'a blessé avec son revolver. Heureusement, mes amis, vous êtes arrivés. Merci. Tenez-le bien, prenez garde, c'est un fou furieux. » Paulin Broquet, tout un loque, plein de sang, effroyable, justifiait les paroles du bandit. Luttant contre les agents, les bousculant, et voulant passer quand même, la gorge serrée, il criait « Au nom de la loi, aidez-moi » Cela parut bouffon aux agents d'entendre cet homme qui invoquait la loi. « Cet homme !» cria Paulin Broquet, « est un bandit, c'est Zigomar !» À ce nom, les agents ne purent tenir leur rire. « Oui, mon vieux !» fit le brigadier. « Oui, c'est Zigomar. Mais reste tranquille !» Zigomar, on me la fait pas, Zigomar. Je suis Paulin Broquet, dit le détective. Elle est bonne, Paulin Broquet maintenant. Zigomar, le roi des bandits, et Paulin Broquet, le roi des détectives. Eh bien, mon garçon, tu te mets bien, toi. Je suis Paulin Broquet. Assez, hein? Dit le brigadier sérieusement. Faut pas jouer avec ce nom-là, tu m'entends? Paulin Broquet, c'est notre maître à tous, c'est sacré. Je le connais, moi, Paulin Broquet. Et tu ne peux pas non plus me la faire, ô Paulin Broquet. » Le détective ne savait comment faire entendre raison à cet homme. « C'est bien, » dit-il, « gardez toujours ce bandit, gardez-moi aussi. Allons au commissariat, je vous donnerai les preuves, mais au nom de la loi, au nom de votre honneur de braves gens, de serviteurs dévoués de la justice, ne laissez pas échapper Zigomar. » À ce moment, de nouveau, des bruits de pas retentirent, d'autres gens accouraient. Un peu d'espoir revint dans l'âme de Paulin Broquet. Peut-être était-ce des hommes à lui. C'étaient des agents encore et un douanier qui portait un fanal. « Ah !» fit Paulin Broquet, « vous allez me reconnaître !» Il appela « Vite, vite, par ici !» Mais en attendant, il eut le loisir, pendant une seconde de répit, de placer deux doigts dans sa bouche et de faire entendre en sifflant le signal d'appel à ses hommes. « Vous voyez ?» dit le comte de la Guérinière aux agents. « Voyez, il vient de donner le signal à ses complices. » Les agents nouveaux venus entourèrent le comte de la guérinière qui semblait sur le point de défaillir. Ils le soutinrent. Le douanier s'approcha du brigadier, qui de son côté maintenait le détective. « Quoi qu'il se passe ? » demanda-t-il. Paulin Broquet lui dit « Levez votre fanal, éclairez-moi, brigadier. Regardez-moi bien, puisque vous connaissez Paulin Broquet. Vous allez me reconnaître. » Le douanier éleva son fanal et mit en pleine lumière le visage du détective. Aussitôt, il s'écria « Ça, Paulin Broquet ? Ah, je te reconnais, moi. Enfin, on le tient !» Et s'adressant au brigadier « Ça, c'est un pilleur de quai. C'est le plus terrible ravageur du quartier. C'est le zigomard des contrebandiers. » L'épreuve était concluante. Les agents n'en demandèrent pas plus pour reprendre leur homme. Paulin Broquet comprit alors ce qui se passait. Le brigadier et son subordonné étaient, eux, de vrais agents. Mais les douaniers, faisaient partie de la bande des Z. Alors Paulin Broquet, jugeant que toute tentative d'explication, d'éclaircissement serait inutile, siffla de nouveau désespérément. Et il chercha à lutter encore, à reprendre le compte de la guérinière que promptement, pendant ces quelques minutes, les nouveaux agents emmenaient. Il commença par assommer d'un coup de poing le douanier, qui roula sur le sol avec sa lanterne. Il donna un croc en jambe au brigadier qui s'affala à terre en jurant, et sur l'agent qui venait au secours de son chef et se plaçait en face de lui, pour lui barrer le chemin, il bondit tête baissée comme un taureau. Le coup était irrésistible. L'agent, soulevé de terre, alla 2 mètres plus loin rouler, mais en tombant, il entraîna Paulin Broquet. Le détective se releva sans mal, mais ayant tout de même perdu du temps. Et ce temps, les faux agents l'avaient employé à se sauver, en enlevant le compte de la guérinière. Il le soutenait, l'aidait à courir malgré sa blessure. Héroïque, le comte, sachant le prix de ces quelques secondes, appela à lui toute son énergie, toute sa force de volonté. Sachant qu'il y allait de sa liberté, de sa vie, de tout le passé, de tout l'avenir de Zigomar, méprisant la douleur atroce qu'il ressentait, il courait vers le pont, après lequel, sur l'autre rive du canal, il trouverait une auto qui l'emporterait. Comme le comte de la guérinière et ses hommes arrivaient au pont, Paulin Broquet, qui courait plus vite qu'eux, gagna du terrain et tomba sur le groupe. Paulin Broquet mit d'autant plus d'ardeur à la poursuite des bandits qu'en se relevant, en se débarrassant de l'étreinte malencontreuse du brave agent, il entendit, en réponse à son dernier appel, le signal que lui envoyaient ses hommes pour lui dire qu'ils accouraient à son aide, à son secours. Les aides, en portant Zigomar, avaient aussi entendu ce signal. Ils se pressaient encore, comptaient avoir le temps de franchir le pont, de gagner l'automobile dont ils apercevaient les fanaux sur l'autre rive et entendaient les ronflements impatients. Dans leur hâte fiévreuse de toucher à ce but libérateur, maintenant si près d'eux, ils ne se doutèrent pas que le détective qu'ils avaient vu tomber s'était relevé presque aussitôt, qu'il gagnait sur eux du terrain, qu'il arrivait, qu'il les joignait enfin. Paulin Broquet donc put tomber sur eux. Dans leur surprise, ils n'eurent pas la faculté de se servir d'une arme quelconque, revolver ou casse-tête, pour défendre leur chef. De son côté, dans les bagarres précédentes, Paulin Broquet avait perdu ses armes. Mais il lui restait ses poings, et ses poings valaient les meilleurs assommoirs. D'un coup de tranche de main sur la carotide, Paulin Broquet jeta le Z de droite à terre, sans connaissance. Quant à celui de gauche, un coup de savate au creux de l'estomac, bien appliqué, l'envoya rouler à quelques mètres de là, sans respiration. Cela fut admirable de rapidité, de précision et de science de combat. Et Paulin Broquet poussa un cri de joie. Il se retrouvait encore seul en face de son ennemi. Le duel, si souvent interrompu entre le comte de la guérinière et Paulin Broquet, recommença. Mais cette fois, c'était la dernière reprise, la phase finale, la minute décisive. La victoire dès maintenant appartenait irrévocablement à la justice. Le bandit aux abois n'était vraiment plus en état de soutenir la lutte. Sous l'étreinte du détective, il tomba à terre. Le comte de la guérinière, l'admirable lutteur, le merveilleux combattant, était vaincu. Zigomar, le maître invisible, Zigomar, qui se proclamait victorieux toujours, et quand même, Zigomar était pris.